C'est la raison pour laquelle Antenne 2, France Inter et C2I au niveau bulle mettent en place un dispositif exceptionnel qui doit nous permettre, dès 20h demain soir, de vous donner une estimation des résultats. Philippe Arroir. Ah, je crois que nous avons un problème de son. Vous avez vu, Philippe Arroir, vous avez vu les installations donc, qui vont nous aider demain à vous donner une estimation des résultats des 20h.